c'est parce que je vais voir trop de shows dans la vie. Fac, cette semaine, je ne te parle pas de Lesbo Vrouvrenne, mais c'est certain que je te parle du lancement qu'il y a eu au Quai des Brumes jeudi dernier, parce que c'était assez magique, merci. C'était vivifiant, je dirais même. Alors, on va écouter Lesbo Vrouvrenne et Victime. Chagrin médiéval, juste parce que t'existes un peu. Crispif, ton champagne est froid, t'es comme devenu un glacier. Des fois ça prend du sang, pas juste du colorant. Une comédie sentimentale pornographique. Crispif, j'arrive plus à lire. J'suis comme bouffé par les vagues, les silences, le son de l'aspirateur, les abeilles. T'as oublié ton manteau de 2016 ans, pis ton esturgeon. Crispif, j'te donne les pires années de ma vie. Tu me mets aux trois quarts, pis moi juste à moitié. Je m'ennuie des nuits de pluie avec toi au lit. La vie qui part entre le rhum et l'imprimerie. Ça fait 3 mois, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes. Le poster de Death from Above. Ta petite moue rouge sur l'oreiller. Des moments entre tes cuisses. Du miel partout. Ton lit comme une ruche. T'es trop sucré, griffif, j'ai mal au cœur. C'est ton pays qui m'abandonne. C'est du sang, du sang. Pas du colorant. Je sais que tu m'écris encore et j'ai gardé toutes tes lettres, mais je ne veux plus te lire. Si tu découvres ma nouvelle adresse, ne passe pas chez moi. Crois-moi, quand je vis sur terre, je vais lire les lettres en verset. Encore mieux, chuchoter le message à la lune. Elle va écouter, peut-être encore te répondre. De temps en temps, je pense à toi. Je descends à travers les tunnels des champs de possibilités. Et je vois les univers parallèles. Nous sommes en bon terme. C'est un son magnifique. Dans un, je suis enceinte avec ton enfant. Dans un autre, nous nous rencontrons et nous nous séparons et nous ne discutons plus jamais. Mais nous sommes heureuses malgré tout. Regarde, nous ensemble. Be at peace, babe. I'm not afraid to die. Alors, ben, ça démarre tout de suite l'entrevue avec Critique de Crowd et l'organisateur du Couch Fest, David Dugas-Dion, enchanté. Enchanté aussi. Ben oui, il est au téléphone, il n'est pas tout à fait en direct, mais il était tout à fait présent pour sa 11e édition. Et ça part de où tout ça, le Couch Fest? Ben en fait, le label, ça fait 13 ans qu'il existe, mais bon, on n'a pas parti le festival au tout début parce qu'il y avait genre 2-3 groupes. Ça, c'est parti comment? Ben en fait, c'est surtout le besoin de produire mes trucs à moi, puis là, éventuellement, ben tant qu'à s'autoproduire, c'est encore plus cool d'avoir un nom de label, puis c'était aussi l'idée de produire les trucs des gens autour de moi, de mes amis, quand il y avait des groupes de musique. Et on est beaucoup dans la variété musicale sur ton records. Oui, tout à fait. Ben en fait, disons que ça reflète un peu mes goûts, là. J'aime autant le folk que le rock que la musique plus expérimentale. Fait qu'on y va par coup de cœur? C'est pas mal ça. C'est pas mal une affaire d'amitié aussi, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas à la recherche de groupe. Je suis pas en train de me dire, là, faut que je signe un band dans tel genre. C'est plus, je rencontre des gens, ils se tissent un lien, puis évidemment, ben, j'aime leur musique aussi. Et c'est comme ça, finalement, que tu as décidé de faire un festival, c'est de pouvoir mettre en scène tous ceux que tu mettais aussi en album? Ben, c'est ça. En fait, le festival, là, c'est vraiment comme un genre de party où on célèbre un peu tout ce qui a été produit durant l'année. C'est pas nécessairement juste les groupes qui sont sur le label, mais souvent des groupes qui gravitent très proche du label. Donc, en fait, il y a beaucoup de groupes aussi là où il y a toujours les mêmes membres, là. Fait qu'on veux pas non plus que ça soit trop incestueux, pis que ce soit toujours les mêmes qui jouent. Fait que je trouve ça cool d'avoir des bands, justement, d'ailleurs. Le Couch Fest, ça partit à Valleyfield parce que t'es né là-bas? Ouais, exact. Dis, ça a tout le temps changé de place d'une édition à l'autre. Dans le fond, c'est parce que t'es un nomade du festival ou juste comme tu veux avoir le plus de places différentes? Je pense à l'Escool Fatal ou... Ah, c'est quoi le nom, mon Dieu, du local qui est à côté du Fatal qui avait des spectacles où t'as joué? C'est au Animal House. Oui! Écoute, en fait, c'est pas vraiment nécessairement le but de faire ça dans un endroit différent chaque fois, mais on gestionne toujours aspiré à faire ça dans un meilleur endroit. Cette année, ça s'est fait au studio de Rouen. On a vraiment adoré la salle. Ça se peut très bien qu'on fasse ça là, l'année prochaine aussi. Oui, mais c'était vraiment très ouvert. Beau. Oui, c'est une belle salle. C'est pas très, je ne sais pas, connu parce qu'il ne fait pas des spectacles vraiment publics là-bas. C'est surtout pour des événements privés. OK, ben oui, justement, comment tu les as connus? C'est là que tu pratiques. Je sais que c'est aussi des locaux pour des musiciens. Ben c'est ça en premier. Moi j'ai pas de local là-bas, je les connaissais pas vraiment. J'ai justement des amis, un groupe, plusieurs groupes en fait sur le label qui ont des locaux là-bas. On m'a fait visiter, puis là j'ai vu la salle, puis ça m'a donné l'idée de faire ça là. Puis j'ai réussi à dealer quelque chose de pas près. Ben moi c'était une première fois là-bas, mais en même temps je viens de comprendre que c'est plus des événements privés, mais effectivement ils devraient en faire plus souvent. C'est très chaleureux, je me sentis super bien tout de suite en rentrant au studio Rouen. Ça, je trouve que ça a donné une bonne atmosphère au festival. Ben exactement. Ben écoute, je m'avancerai pas avec ça, mais je pense que c'est pour eux c'était aussi un test là, de voir s'ils pouvaient pas organiser des événements publics. Mais on va l'espérer. C'est dans le coin, dans Schlaga, il y a pas beaucoup de place pour faire de la musique. Fait que moi, en tout cas, de ce qu'on m'a dit aussi, des gens qui vivent dans le coin, ils trouvaient ça génial. Là. Ben oui, crowd, il y avait beaucoup de crowd de Schlaga? Ben, je pense qu'il y avait plus de gens cette année, surtout parce que c'était bien situé. Ben, surtout, je suis surprise que tu me dises ça avec d'autres éditions que tu as faites à l'ESCO ou à Brasserie Beaubien, qui sont quand même des places où, justement, c'est quand même reconnu sur la scène musicale. Oui, mais en même temps, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de quand c'est dans un endroit que les gens connaissent pas, puis si tu es dans un bar, on a moins de contrôle sur l'ambiance, ça fait plus un spectacle de plus à l'ESCO ou à la Brasserie Beaubien, ce qui est pas mauvais en soi, là, mais c'est le fun de faire ça dans un endroit plus unique. Hey, les sets sont super courts. Mais super courts, ça dure jamais une heure ou 45 minutes. J'ai eu un feeling d'échantillonnage. Est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là que tu fais la programmation? Ben oui, ben c'est parce que, tu sais, si tu veux voir notre groupe en ligne, si tu veux pas t'annoncer, en tout cas, les gens, ce qu'ils disent, puis en tout cas, je suis d'accord, mais à 20 minutes le set, ça passe tellement vite, les gens ont le temps d'aller prendre un break en chat. Les gens ne stannent pas, là, c'est sûr que tu es rendu à 1h du matin, et tu peux être fatigué, mais quatre groupes qui jouent 45 minutes, c'est beaucoup plus pénible, tant qu'à moi. Ouais, mais c'est dans quel, ça dépend juste dans quel esprit on programme les artistes ou si on avait une idée de, ah, lui va être tête d'affiche, mais inversement, on avait plus l'impression, justement, que tout le monde était égal, étant donné la durée, mais aussi même le ouais. poster, tu sais, tout le monde est sur le même pied d'égalité, tu sais. Ouais, moi, je vais être honnête avec toi, je déteste les posters à la Coachella, là. Tu vois des gros, les gros groupes, les groupes en bas, là, moi, je, en tout cas. Oui, surtout qu'à la fin, il y a toujours le « et bien plus ». C'est combien « et bien plus » de toute façon? Ça doit être quelque chose comme 0,5% de la programmation, le « et bien plus ». Ouais, ouais, là, il y a jamais des grosses surprises, mais... Ah oui, OK. Mais sinon, ah, parlant de poster, il était tellement beau. Moi, c'est, je sais pas comment j'ai connu le festival, pour être bien franche, mais quand j'ai vu comme comme des frères, sœurs, pas siamois, non, collés du tronc, ouais, qui se frenchent. Ouais, je sais pas comment on appelle ça, là, ouais. Moi, ça m'a vraiment convaincu d'aller au festival. Est-ce que t'en as pris un poster, par hasard? Eh non! Mais... Oh mon Dieu, parce qu'il était à donner, j'aurais dû t'en donner un. Eh ben, tabarouette, ben, l'année prochaine, je prendrai les archives. Pas de problème. Mais sinon, pour toi, l'esthétique des événements, c'en est quoi la valeur? Moi, je pense que c'est encore dans la même optique que les groupes de musique. C'est souvent des gens... cette année, c'est pas quelqu'un qui est sur le label, mais c'est un gars, il s'appelle Samuel Laudet, Sam Larlo, son nom d'artiste. J'ai fait un show avec son band, puis je trouvais qu'il faisait vraiment des beaux posters. Mais dans le passé, ça a souvent été des gens qui étaient dans les groupes sur le label. Au début, c'est moi qui les faisais. Quand j'ai vu, quand j'ai parlé avec Sam, j'aimais déjà ce qu'il faisait parce que souvent ça fessait, là. Ouais. Puis ben tu sais, le coup de fesse, c'est pas un festival comme les autres. C'est très varié comme t'as vu en musique. Puis il y a aussi des trucs vraiment plus champ gauche. Fait que moi je trouve ça important d'avoir un poster qui rend un peu mal à l'aise, je sais pas comment dire. Ouais, mais en même temps, c'est fou, dans la foule, il n'y a pas vraiment de malaise, le monde sont vraiment un crowd de mélomanes, tu sais, très tranquille, plus fond de salle, ça écoute, c'est généreux dans les applaudissements, mais vraiment généreux, surtout dans l'écoute, vraiment attentif, mais j'ai l'impression, j'ai vu un de tes posts, t'as fait ça dans des salles plus ou moins légales à Valleyfield, c'est pas un buffet? Ouais. Ouais, le premier, c'est dans un buffet. Il devait pas essayer de penser quelque chose de louche, non? Ben, il y avait pas de bouffe, là. C'était dans une salle de buffet que j'ai louée, sauf que ça avait vraiment le look d'une salle de buffet, là. Comme avec des plans métal vide? Ben, avec écoute. C'était très laid. C'était très laid, là. Mais tu sais, à Valleyfield, encore aujourd'hui, c'est difficile de trouver un endroit où faire de la musique. À ce moment-là, faire ce genre de musique-là, puis d'avoir une poignée. Je me souviens pas, je pense que c'était 8 bands. Le premier, c'était quand même quelque chose. Mais ça se fait. Il faut juste trouver l'endroit. Ou connaître le propriétaire du buffet. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Non, mais le pire, c'est que j'adore ça, les lieux atypiques. Là. Fait, je suis quand même curieuse. Y avait-tu une scène? Vous étiez à terre? Non, pas vraiment. On a juste torsé des tables. On a mis les instruments là. Tu sais, le coup de Shabata Records, comme je disais, c'est vraiment un collectif, c'est vraiment... il y a toujours quelqu'un dans le groupe, dans un des groupes qui est capable de faire le son, quelqu'un qui est capable de faire le booster, quelqu'un qui est capable de faire l'éclairage. C'est beaucoup d'entraide, beaucoup de... C'est très dans l'éthique DIY, mais en collectivité. C'est dur pour moi de pas passer à côté, tu sais, à parler de foule et... Les bravos David qui étaient vraiment fréquents. Il a fallu que j'arrête quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi tout le monde dit bravo David? C'est quoi l'inside? Raconte-le-nous, ça date de il y a 5 ans, paraît-il, durant un show de jazz expérimental? Ah, ça se peut très bien. Écoute, je me rappelle pas exactement quand ça a commencé, mais c'est un de mes amis, Jean-Philippe Gagnon, je pense qu'il a. En tout cas, d'après moi, c'est lui, là. Il a crié ça, puis c'est devenu une espèce de pandémie. Puis, bon, maintenant, c'est un running gag, là, il faut le prendre comme PC, mais c'est sûr que, bon, c'est flatteur. Ben, oui, j'avoue, pour ton festival, mais ça a l'air que des fois, il y a des David qui se callent comme nowhere, mais j'ai l'impression que c'est genre ceux qui l'ont parti qui le répètent, mais j'avoue qu'avoir souvent des spectacles, ben, à chaque semaine, j'ai jamais entendu d'autres David auparavant, mais là, c'était vraiment au rendez-vous. Tant mieux si t'en entends pas dans d'autres spectacles, parce que là, ça va commencer à être dangereux. Ben oui, mais à vrai dire, c'est le chanteur de Crème qui m'a dit « Ah oh, oui, tu peux faire des David partout si ça te tente », puis je me disais comme « Mais ça, c'est un peu drôle comme concept ». Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Coach Fest, comme déjà des plans, même si c'est comme terminé là, là? Ben écoute, moi, je peux ça va peut-être sembler, je sais pas à quoi tu t'attends, mais... Ah non, j'ai aucune attente! Non, mais c'est parce qu'on pourrait croire qu'on voudrait... Je voudrais que le Coachabata Records et le Coach Fest grandissent sans cesse, mais je préférerais que ça grandisse pas beaucoup plus que ça. Parce que ça deviendrait une tâche trop lourde pour moi. Faudrait que j'engage des gens, puis ça me tente pas de faire ça. C'est pas une business pour moi, c'est vraiment pour le fun. Fait que probablement que l'année prochaine, ça va être encore sur deux soirs. Où on peut aspirer à meilleur, c'est qu'il va y avoir moins de, comme je disais tout à l'heure, d'inceste, plus de groupes différents avec des gens différents, puis que je vais peut-être jouer juste deux fois dans tout le fait. Ben mon affaire. Puis, bah, écoute, si on est capable de trouver une meilleure salle, j'en doute, mais si on peut, tant mieux. Si ça pourrait grandir d'une manière, mais je vois pas ça comme quelque chose de toute façon qui peut devenir plus mainstream que ça. Ah, mais de toute façon, avoir des souhaits pour l'avenir, faut pas nécessairement avoir des souhaits de grandeur, sinon on finit comme le Rockfest, puis c'est pas toujours beau, hein? Des fois, il y a des lacs de pisse, puis on souhaite pas ça aux gens. Non, ça ira pas, là. Ça. Mais merci beaucoup, David. Merci à toi, Jolaine. Merci. Ben, je dis bye-bye. OK, bye. We'll be right back.

Loïc April sur les ondes de la marche, c'est ISM le 89.3 FM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd. Et oui, Loïc April est en spectacle ce soir avec Altesse et Gazeline à l'ESCO. Oui, oui, oui, plein de crowd, donc plein de suggestions. Et effectivement, je pense que je n'ai même pas toutes les bandes qui se passent en fin de semaine. Il y a beaucoup trop de spectacles. Et pour ce soir, si tu as envie de faire un tour aux catacombes, Abigail Williams est en spectacle. J'avoue, je serais allée si je ne serais pas à la Sala Rossa pour voir Poup. Alors, Punk Rocker, viens te rejoindre. Non, Pantoute, Pantoute, viens pas nous rejoindre à la Sala, le show est complet. Fait que sinon, va plutôt vendredi voir Ian Dissonance. C'est leur lancement d'album au Ritz PDB. Et vendredi, ah, si tu aimes bien quand ça varge, tu risques d'hésiter parce qu'il y a aussi Fuck Tout qui lance leur cassette. Max Power et Argument avec eux autres au Barfly. Et il y a aussi Mastercraft! Et ça se passe au Théâtre Fairmount samedi. Studio B, Elliot Maginot et Elena Delande seront en spectacle. Sinon, écoute, ça c'est une grosse soirée pour le rap, pour le hip-hop de CISM et en général parce qu'ils sont très mognes. Ghetto Érudit fête leurs 10 ans au club Lambi. Ça a l'air que si tu te fais un t-shirt artisanal rempli d'amour, tu rentres gratis. Ah, je trouve ça beau, moi, couture et hip-hop, là, ça m'enchante complètement. Et sinon, il y a aussi Double Date with Death qui est en spectacle. Fait que quand je te dis qu'il y a trop de show, il y a trop de show. Dimanche! Je ris parce que c'est Damien Robitaille ouvert bouteille, puis je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai écouté du Damien Robitaille dans ma vie, mais en même temps, avoue qu'il y a une partie de toi dans ton cœur, crowd, qui a envie de se faire susurrer un homme autonome. Ah! Fait qu'il est proche, c'est petit le verre bouteille, c'est le temps d'en profiter. Lundi, Ultimate Painting à la Casa del Popolo. Mardi, là, c'est le moment où j'ai réalisé que j'écoute trop CISM puis je suis pas au courant, là, parce que il y avait Flatbush Zombies, puis ils ont changé, je pense, du Club Soda pour l'Olympia. Mais je dis, OK, ils doivent être gros, tu sais, s'ils changent pour l'Olympia. Va sur YouTube, 23 millions de vues! Là, j'étais, oh boy, je suis vraiment pas dans le coup. Du tout. Si jamais vous y êtes, je serais curieuse que vous me rameniez votre critique de crowd. Alors, n'hésitez pas, Facebook, courriel, magie, la poste. On a une adresse postale à CISM, Godtway Crowd. Fait que c'est ça, fait que tu peux m'envoyer tes critiques par là. Et finalement, mercredi 1984, oui, oui, l'adaptation du livre s'est faite au théâtre Denise Pelletier dans Hochelaga Maisonneuve. Critique de crowd, tout de suite après les chansons du palmarès francophone de CISM. Des nouveaux arrivés, des petits bébés du palmarès, 27e et 26e position, Jet Cool et Autruche. Je t'y vas et je c'est cool ça. Quand ça va bien, j'ai une boutruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui me disent quoi faire. Je me laisserai pas faire. Je t'entends, je t'écoute pas. Crie-moi, ça coûte un bras quand ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances. Il commence à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crée. Chou-chou, on est dans ton œil. Chou-chou, ça aide. La molle, ça c'est la nouvelle chanson d'Autruche sur leur album Ferme les rideaux, je suis en fesse. Déjà le titre de l'album est assez fou, mais je tiens quand même à vous le à vous le mentionner, chers auditeurs de CISM, sur ce EP. Les autres chansons s'appellent Fist un punk puis Caresse-moi s'il te plaît. Sérieux, c'est vraiment les titres les plus magiques que j'ai vus cette année. C'est trop... sont parfaites. Fait que sinon, vous avez aussi entendu Jet Cool avec la chanson À la plage et pour toutes les autres chansons du palmarès francophone et anglophone et instrumental. Et mon Dieu, qu'il y a du choix! C'est ism893.ca application. Puis écoute, il y a mille et une façons d'écouter la radio. Et voilà, vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolaine Ruet. Et je le savais plus qu'une fois que je mentionne Hochelaga, Hochelaga. Ben oui, c'était au studio de Rouen. Et oui, je sors peu dans mon propre quartier. J'ai l'air résidente, parce qu'on en a parlé durant l'entrevue, justement, David et moi, que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place où sortir dans Hochelaga, mais je me demandais à quel point c'était vrai ou tout simplement que j'avais pris l'habitude à Montréal de sortir plus sur le plateau, tu sais, l'Esco, le Quai, j'ai mentionné le Verre-Bouteille. Il y a des lieux de référence qui sont dans d'autres quartiers. Oui, le théâtre Denise Petit qui est... oui, un monument. Oui, c'est un lieu important parce qu'avant c'était un ancien théâtre de quartier. Puis l'importance des cinémas qu'il y avait à l'époque. Fait que en tant que tel, oui, le lieu est intéressant, mais ça reste du théâtre scolaire. Fait que quand t'as fini de secondaire, il y a plus de chances que t'ailles moins souvent au théâtre de Nîmes-Pelletier, à moins que tu sois vraiment fan de théâtre. Mais ouais, fermeture du Bobby McGee où il y avait des fois des performances. Des fois, je pense que des événements au la Flèche Rouge, ben plus des événements, pas tellement des spectacles de musique, la Maison de la Culture, bah ouais, c'est le fun, mais ça rock pas. Là j'étais comme il reste l'Atomic Café, là je me sens vraiment mal, je les ai toujours pas fait de critique de crowd, fait que m'a peut-être pas faire ça cette année là, mais 2017 watch out Atomic Café, je m'en viens. Autrement Studio Rouen, je te le souhaite que tu refasses plus souvent des spectacles parce que j'ai adoré l'endroit, c'était beau et c'est fondé depuis 2006, c'était d'anciennes usines de quoi, usines de mystère, et en tout c'est 76 locaux, mais pour être bien franche, les studios de Rouen, c'est aussi les studios d'Orléans, fait que oui, c'est séparé en deux, c'est parce que je me suis dit ça rentre pas 76, c'est tout petit, mais ouais, c'est bien fait, c'était beau. Oui, j'ai l'air conquise, puis je vous le décris même pas encore. Surtout parce qu'à l'entrée, on constate très vite que c'était pas une salle de spectacle, ou du moins habitué que ce soit une salle où on rentre facilement, puisqu'il y a un code. Et là, il y a un gars avant moi qui zigonne, tu sais, après les pitons, puis il est comme « ça marche pas, je comprends rien ». Puis après ça, ben je me sentis bien smart de dire « tu sais pas lire » parce qu'il y a une affiche qui est marquée « paye sur le 110 ». Puis quand ça a été rendu à mon tour, quand je suis sortie puis je suis revenue, ben j'étais pas meilleure que lui. Mais parce qu'il y avait comme les pitons pour... comme le mot de passe, moi je pensais que c'était le mot de passe, je pensais qu'on était initié à ce point-là, tu sais, on savait le mot de passe, mais non, ils ne font pas confiance à ce point-là, tu sais, fait que, bref, c'était le numéro de l'entrée. Alors voilà, c'est déjà, ça change un peu l'ambiance, tu sais, dans le sens où, justement, tu sais, il y a comme une étape pour rentrer, et autrement, la scène est assez proche, je dis la salle plutôt, parce que dès que tu montes les escaliers, ça tombe directement sur la scène, on n'est pas comme anciennement feu la passe, où il fallait que tu montes comme au troisième étage, puis là, tu sais, fallait un petit peu que tu saches la game, parce que c'était facile de se perdre, et là, c'est plutôt l'inverse, ce qui amène, ouais, facilement l'aspect... Ouais, c'est convivial, c'est pas compliqué, c'est perdu, ouais, je sais, je me perds facilement, confession, et autrement... Je pense que c'est l'ambiance en tant que telle qui m'a charmée. C'était feutré. Très simple. Tu sais, tu rentres, il y a le bar à ta gauche, le merch à ta droite, au coin, la scène, qui est quand même assez grande. C'est agréable d'avoir une scène, oui, assez grande pour que les musiciens aient de l'espace, pas trop pogné, mais qu'en même temps, t'as pas le sentiment de vide, que l'espace est mal comblé. Je trouvais que c'était parfait pour ouais, les circonstances. Et déjà, le roulement était bon. Fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'instruments sur scène. Et quand je dis feutré, ça a l'air... C'est parce que dans le fond, il faisait super noir. Des fois, il y avait des musiciens qui ont demandé qu'on remonte l'éclairage parce qu'il faisait trop sombre. Mais quand je suis rentrée, il y avait les petites bougies dans des copes de styromousse. Ah oui, on est dans la simplicité. Et... Ouais, c'était délicat, petit éclairage, c'était doux. Sur scène, quand je suis arrivée, c'était une lampe sans abat-jour, alors tout simplement le globe en plein milieu de scène, pas de spot, vraiment là, ouais, quelque chose d'intime comme ambiance, pas de décoration, pas de flafla, pas de banderole, coup de fesse, non. Il y a vraiment juste, c'est fou là, c'est simple, c'est de l'éclairage et ça fait toute la différence. Ça, des fois, on dirait que c'est pour ça que ça m'émeut, je me dis, voyons, c'est bien simple, l'éclairage, je veux dire, t'allumes tes ampoules à tous les jours, Jolène, là, tu capotes pas ta vie. Mais là, des fois, il y a tellement des gros événements qui cherchent à, ouais, créer une ambiance, une atmosphère, je sais pas, l'hélicénique des gros champignons. Je sais pas, peut-être que sous un second effet, les gros champignons te font vraiment réagir dans la crowd, mais je me dis, ça coûte rien, là, je veux dire, c'est juste l'éclairage, puis j'ai déjà senti toute la différence. Oui, déjà, le lieu, je trouve qu'il était bien arrangé, dans le sens où il y avait beaucoup de divans aussi, dans le fond de la salle, dans un coin en U, étaient placés différents divans, fait que si t'étais moins porté à aller regarder le spectacle, c'était facile d'être plus à l'écart, et de toute façon, j'entendais pas tant les gens jaser, ce qui est quand même agréable, parce que c'était à air ouverte, là. Même si tu regardais pas le spectacle, on pouvait quand même facilement t'entendre. Et ouais, ah, plein de divans. Il y en avait même un qui était proche de la scène. Fac, ouais, c'était bien possible de le regarder tout en confort. Par contre, il y a peut-être pas de décoration, mais je le mentionne, même si j'y ai pas goûté. Ça, c'est drôle, hein. Ça, c'est, il y a du gâteau, mais la personne n'ose trop à manger. Même qu'il y a eu une annonce officielle, il a fait comme, OK, là, tout le monde. Faut finir le gâteau ce soir. Fait il y en avait quand même de la variété. Alors, pas de flafla, mais ben du sucre. On aime ça de même. Et je pense que je suis arrivée dans les débuts de la soirée, puis c'était David at the Woods en solo. Je vous en passe tout de suite, pas en solo, parce qu'on est fautin' de même à CISM. J'espère que vous avez bien apprécié la mélodieuse chanson Feu follet de David and the Woods. Et ouais, je suis en train de réfléchir, mais j'espère que c'est lui. Il y avait un certain décalage sur l'horaire durant le coup de fesse. Je dis certain retard. Les sets étaient très rapides, une vingtaine de minutes, et les entrées, surtout dans les sets acoustiques, c'était assez court. Hey, ça demande toujours moins de temps que l'électricité, mais... Est-ce que là, je me disais mémoire, tout d'un coup? Mais reste que quand je suis arrivée au festival, ça a été... Ouais, que ben calme. Il y a pas eu des grandes excitations. Ce sera à suivre. Mais de façon générale, on n'est pas dans quelque chose de turbulent là. Pas de sueur, pas de lançage de bière, pas tant de trash. Sans dire calme dans un sens plate, mais c'est calme. Les gens sont très attentifs. Mais quand je suis rentrée, justement, il y avait une espèce d'opposition là-dessus. La foule est quand même distante, lointaine de 2 mètres peut-être de la scène. Très attentive, écoute, de façon, oui, une belle écoute active, félicitations. Mais le chanteur présente sa chanson qui est Wolf Alone et qui dit, oui, tu sais, les moments où on aimerait ça, comme envoyer promener tout le monde, puis être seul, puis il y a quelqu'un dans la foule qui s'est permis de dire « Fuck! Tu veux qu'on s'en aille? » Effectivement, j'ai trouvé ça très drôle. Il a dit « Non, non, non! Pas vous autres! Le monde, là, comme le monde en général! » Ah, mon Dieu! Tout le monde n'est pas tout le monde, c'est tout le temps de même. J'ai trouvé, oui, cette proximité-là comme, oui, charmante et, oui, ben, différente de l'atmosphère de la foule en général. Mais c'est surtout la suite parce que durant la chanson, le dit garçon qui a fait un call, ben, il a vraiment comme été intense. Le pied sur la scène, le genou arqué, là, il chante toutes les paroles par cœur. Tu sais, comme un gros hymne rock, mais là, c'est une petite chanson, un gars, une guitare acoustique. Là, il donne un coup sur le chest. Ah! Je te dis, comme quand je dis intense, c'était dans ce sens-là, là. Tu sais, ça venait du cœur. Et c'est quand même, j'ai trouvé ça, ben, particulier étant donné la tranquillité des autres participants par rapport à cette ferveur-là. J'ai fait comme, OK, quand même, il y a des choses qui se passent. Je trouvais ça bien intéressant. Durant Félin, ben ils n'ont pas joué parce qu'il a fallu qu'ils annulent. Il y a plutôt eu un hommage à Leonard Cohen. Répétez la veille. Oh! Ça, c'est un peu difficile. Je ris parce que je suis heureuse de constater la qualité des musiciens dans des moments où, justement, c'est comme... S'il fallait qu'ils soient plus ou moins bons, ça sonnerait amateur en anti-pépère. Tandis que là, non, c'était assumé déjà sur scène. Le savoir-être était présent. Le savoir-faire, relativement aussi, à vrai dire, c'est vraiment juste une question de pratique et de mémorisation. Et c'est le moment aussi où la crowd aurait pu énormément servir, parce qu'il y a plus qu'une fois dans le set, il disait, oui, si vous connaissez les paroles, venez chanter avec nous autres. C'était pas juste participatif, c'était comme, s'il vous plaît. Non, il suppliait pas, mais il espérait quand même beaucoup. Ouais, c'est plus ou moins. Je pense que j'ai manqué déjà un premier inside à ce moment-là, parce que il y a un gars sur scène qui monte ses culottes. Déjà, je les ai même pas bien vues. Pas que je souhaitais tant voir ses culottes, là, mais vous comprendrez que pour critique de crowd, je rapporte à moitié l'événement. Puis je me dis, voyons, pourquoi il monte ses culottes? Là, j'ai comme compris que quelqu'un avait demandé la couleur durant un hommage improvisé à Leonard Cohen. Tu fais comme, mais semble que, OK, c'est spécial. Mais on sent, effectivement, cette amitié qu'il y a dans la foule. D'autant plus avec les t-shirts Bravo David. On a parlé durant l'entrevue du fameux Inside Bravo David. Là, vous êtes chanceux, chers auditeurs de CISM, parce que vous autres, vous le savez à l'avance. Moi, je le savais pas pendant tout. Au début, je suis comme, OK, Bravo David. Là, moi, je savais que c'était le nom de l'organisateur. Fait, je fais comme, puis qui est surtout musicien, alors qu'il est présent pour ses groupes. Là, je fais comme, OK, ça, Bravo, ça doit être le David qui organise. David, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo David. Je suis comme, voyons, tout le monde s'est passé le mot. OK, tout le monde s'est passé le mot. Tout le monde s'est organisé parce que tout le monde a un t-shirt. Bravo, David, noir sur blanc. C'est un peu... absurde. C'est un peu absurde quand t'es pas dans l'inside puis tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est bien drôle. Et il y a un peu ce feeling-là durant la soirée que j'ai eu, et c'est bien personnel, parce que oui, j'ai eu du plaisir parce que la programmation, je la trouvais excellente, mais il y avait... inévitablement une proximité crowd band, et en tant que critique de crowd, ben il y a des moments où je suis comme ah non, ouais, je connais personne, ah non, je suis pas dans le joke. Tu peux pas le prendre mal, surtout parce que une de mes valeurs préférées, c'est très crowdien, là, c'est la solidarité. Fait, je trouvais ça beau, tu sais, comme des gens qui s'organisent, qui fêtent ensemble la musique. C'est juste de pas être dans le coup, tu sais. Tu peux juste dire comme, ah, c'est beau à voir, mais ah, j'en fais pas tant partie! C'est comme un sentiment de dualité, comme, ah, le spectacle est bon. Ah, je manque un petit quelque chose, on dirait. Ça a l'air le fun, leur entracte à eux autres. Mais ça, c'est plus animé que moi. ma constatation. Je suis comme, ah, wow! Et ce qui est drôle dans ce constat-là, justement, c'est que c'est pas la première fois que je vois des spectacles où il y a beaucoup de musiciens dans la salle, beaucoup d'amis, des gens qui sont dans le band ou qui sont dans l'organisation, que les gens ont des liens entre eux autres. Je veux dire, la crowd, c'est logique et organique. Tu sais, c'est comme, t'es pas là out of nowhere dans un événement. Il y a souvent une raison. T'aimes le groupe, tu connais les gens, t'as envie de les encourager, t'as envie de boire la bière, peut-être. Ouais, quand c'est dans un bar, tu peux ne pas avoir rapport, mais t'as une logique d'être dans l'endroit. Fait que moi, je me sentais comme un petit peu dans la craque de ce moment-là. Aussi durant le set de Maxime Gervais, parce qu'il a dit la phrase « Nous, les musiciens ». Mais en s'adressant à la foule, j'étais comme « Moi, je joue pas de musique, ça s'adresse pas à moi ». Fait que, bon, non, après ça, je me dis en ce moment, je suis un auditeur de CISM, comme « Coudon, critique, t'as-tu du fun au show ?» Le pire, ouais, c'est juste qu'il y avait des phrases qui me rentraient dedans, j'étais comme « Ah, j'ai pas rapport, c'est pas moi ». Mais comment pleurer durant un show de Maxime Gervais? Ça te remet le sourire d'en face, le cœur qui tout en soleil. Ah, c'était drôle! Ouais, Maxime Gervais, on le sait que c'est des chansons drôles. Je ne voudrais pas dire... chansons humoristiques, parce que il y a de l'humour dans sa musique, mais moi je considère ça comme des chansons en soi, là. Je veux dire, c'est pas l'album du peuple, là. Ça, je me sens que je trouve qu'il y a une différence dans l'humour, tu sais, dans la façon que tu l'abordes, qui fait aussi une différence dans la crowd, quand tu t'attends à la blague, et quand tu en es surpris, parce qu'il y a eu énormément de nouvelles chansons, il y en cassait plusieurs, puis c'est drôle qu'il disait, ah oui, je suis pas certain, on les casse ce soir, puis il sortait super bien, tellement à l'aise scéniquement que, il aurait pu ne pas le mentionner, ça aurait fait la même chose, mais j'ai ri de bon cœur, tout simplement parce que j'étais surprise. Et c'est là que je vois toute la différence aussi entre un spectacle musical avec, oui, de l'humour qui teinte les paroles et un stand-up où tout simplement là où vraiment l'humour prédomine, c'est l'effet de surprise. Parce que quand tu vas voir un stand-up, tu sais tout de suite que t'es supposé rire, t'es comme, fais-moi rire. Moi, en tant que crowd, je trouve ça dur, je pense, maintenant. Je suis comme, voyons, j'ai l'obligation de rire si ça me fait pas rire ou, surtout pour moi, quand je ris au mauvais moment. Tu sais, je ris quand personne rit, puis ça n'a même pas rapport, c'est peut-être même pas drôle. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Puis je ris tout seul. Comme en ce moment. Tu es comme, voyons, pas rapport de rire à ce moment-là. Fait que là, t'es comme, ah non, faites pas avec la crowd. Tandis qu'avec la musique, déjà, tu ris, puis on l'entend pas. Mais surtout, ouais, c'est la surprise. Ça, vraiment, ça a été pour moi une découverte parce que je connaissais Maxime Gervais, mais je l'avais jamais vu en spectacle. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Pour de vrai, les répliques qu'il fait avec la crowd, ben, à part de dire les musiciens, là, ben, mais les répliques entre la crowd, les chansons en tant que telles, ouais, tout ça, là, ça fitait. Hey, Je viens de réaliser que sur une compilation de Kuchabata Records, il y a Maxime Jobet qui a fait une chanson « Bravo David » qui serait vraiment, vraiment à propos avec le festival. Mais j'ai plutôt envie de vous passer une de ses plus récentes chansons, plutôt, je dirais quasiment inédite, parce que là, son album, il sort le 8 décembre à Brasserie Beaubien. Non, pas toute Brasserie, Les Patriotes, parce que ça, c'est dans Hochelaga. Fais pas de lapsus en ondes, Jolène. Brasserie des Patriotes, Hochelaga, nouvel album. Puis nous autres, on va écouter une chanson qui l'a passé puis elle était tellement drôle, c'est événement familial. Ha ha! Je crois que c'est une de mes chansons préférées, Nouchou. Ton allure, ton violet qui se retrouve sur l'album Topless Communiste. Et vous avez aussi entendu sur son nouvel album qui sort bientôt, bientôt, Maxime Gervais. Vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et là, oui, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bandes. Fac! Je pense que là, je suis dans le moment comme en vrac, juste pour en parler le plus de bandes possible. On parle de Nouchou. Et oui, je les aime beaucoup. Sur scène, c'est très, très efficace. T'sais, pas de parole entre les tours. Les tunes sont, ils rentrent dedans. Merci, bonsoir. Ils ont dit comme bye bye, puis la dernière note était à peine terminée. C'est comme, hé, hey, on s'en va. Et sinon, à part l'efficacité, ben c'est efficace pour les filles. La punkette était présente. Il y en avait trois. Oui, plus moi, ça fait quatre, qui étaient bien en avant. Et ouais, bien intense, comme, yay, c'est notre moment. Nouchou. Et sinon, autre critique rapide, Ghost Vines, ça attire la danse un peu guenille. Alors ça, c'est le moment c'est le moment où je me trouve toujours drôle comme métaphore, parce que ça veut dire quoi, une guenille qui danse? Ben c'est ça, imagine-toi une guenille qui danse, ben ça danse de même. Sinon, The Shortest Longest Day, je crois que c'est le premier band que j'ai vu quand je suis arrivée le deuxième jour, et j'ai adoré le fait qu'il y ait des gens assis par terre, première rangée, mais tous assis en indien ou en petit bonhomme. J'aime bien ça quand on peut se le permettre, parce que oui, quand il y a pas beaucoup de crowd, quand le show a cette on se donne la permission. Oui. Fait que quand on se le permet, puis qu'on s'assit, puis qu'on est confortable, qu'on fait à notre guise, j'aime ça. Puis ça a été beaucoup le cas aussi durant la deuxième soirée, un peu plus noise, un peu plus expérimental, d'improvisation. Je sais pas le lien à faire avec ça, mais mais ouais, effectivement, peut plus s'asseoir aussi que ça nous tentait, sur le bord du divan, sur le côté de la scène, sur scène, il y en avait qui, ouais, d'autres musiciens, je crois que l'amitié aussi rentre en cause, là, s'assoyaient sur le bord de la scène. Fait que quand on se le permet, ça prouve que c'est confortable pis que c'est le fun. Et aussi, j'avais envie de mentionner pour The Shortest Longest Days, c'est, ça c'est mon néologisme, c'était Noise Namoureux. Ouais, c'est pas le meilleur néologisme au monde là, mais c'est parce qu'il y avait des couples, ben deux, qui étaient vraiment comme collés comme des petites colombes, là, brrr, brrr, puis ils se dorlotaient, brrr, ben là, ils se barraient, tu sais, comme ils se câlinaient pas, ils étaient juste comme brrr, comme une colombe qui reste comme brrr, comme collée là une sur elle. J'arrête pas de l'imiter en bruit, mais j'espère que tu catches sa rupture de CISM, sinon mon bruitage sert à rien. Mais ouais, il était cute, puis il avait l'air à des petites colombes, fait que noise amoureux, parce que quand t'écoutes du noise, puis que t'es amoureux, ça donne ça ensemble. Et aussi, Crabe, punk de l'année au Gamic. Je sais plus c'est quand la dernière fois je les avais vus en spectacle. Je me rappelle plus s'ils étaient autant en paillettes, mais une chose est certaine, depuis qu'ils ont un indicatif de CISM, ils ont une machine à bruit, passer des pitons, puis des fois l'indicatif de vous écouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89.3 FM passe dans leur spectacle. Puis des bruits de trompette, comme à Roomba du samedi, comme fait fup, fup. Ça, c'était très drôle. Ça a eu son effet, justement, humoristique, je vais me permettre le terme, en début de prestation, parce que ouais, c'est drôle. Et sinon, il y avait un gars qui était vraiment... Il était dedans, mais au lieu, justement, de donner des coups, tu sais, « Ah, je suis énervé », c'était l'inverse, ça danse, c'est comme s'il recevait des coups. Il a l'air tout le temps un peu meurtri, comme « Oh, oh! » Tu vois, il le recevait dedans, la musique le transperçait, mais il aimait ça, puis il était comme « J'en veux plus, c'est intense! » Enfin, je trouvais que c'était drôle de faire un mouvement complètement à l'envers de d'habitude. Les headbangs n'étaient pas très métalleux pour Crabe. Je trouvais que c'était vraiment plus ambiancé, puis ce sera un des plus grands mouvements de foule. Hey, en vrac, mais pas de band, c'est plutôt question. Donc, j'aurais dû poser la question sur place, comme les Bravo David. Mais pourquoi il y avait une lumière bleue qui flashait à intermittence? Je l'ai pas compris. Une alerte rouge, tu dis, ah, danger, alerte bleue. Alerte bleue. Là, je me suis dit, ça doit être la porte quand quelqu'un veut l'ouvrir. Je sais pas. Mais ça, je préférais aussi pas avoir la réponse, parce que dans ma tête, je me disais, oh, une alerte bleue, ça doit être l'alerte Schtroumpf. Comme si les Schtroumpfs avaient le monopole de la couleur. Mais, mais ouais, c'est bleu, c'est comme pas, c'est pas dérangeant, c'est pas agressant, mais c'est intriguant. Et autrement, je tiens aussi à mentionner les micros que faisait l'organisateur entre les groupes, qui marquait encore une fois l'amitié entre, oui, tous les participants, finalement. Et, ouais, il y avait aussi la vraie crowd, là. Mais bref, entre les musiciens et la prestation, et comment ils se sont rencontrés, des jolies anecdotes de la sorte. Mais ce qui était particulier, c'est au lieu de les faire sur scène, comme bien des présentation en festival. Oui, j'ai vu ça souvent. Là, c'était un micro hors scène, mais pas à côté de la scène. Il était à table de merch, puis il parlait dans un micro. Fait que c'était un peu comme un fantôme s'adressait à la foule. Puis je sais pas si c'était le timbre du micro, mais étrangement, pour aucune raison valable, ça me rappelait comme les micros de pharmacie, ou tu sais, dans les grandes surfaces. Tu sais que ça sonne un peu cacane, okay, un peu téléphone, parce qu'il appelle un téléphone, c'est vrai. Mais un peu étouffé, mais officiel. Fait que étouffé, officiel, le fantôme de présentation du Coach Fest. Alors, on va continuer tout ça en musique. J'ai parlé de crabes et on les aime, fait qu'on en écoute. Yeah. mon Dieu, le piton m'a lâché dans les mains, chers auditeurs. Ça n'a pas été pratique pour vous jaser. Et ça laissait un beau moment de silence pour s'en revenir, en revenir des martyrs de marde. Et bon, vous l'aurez constaté, c'est spécial. J'aime pas le mot spécial, mais ça me semble que ma tante, quand elle veut comme pas, elle veut pas dire vraiment ce qu'elle pense, comme, ah oui, c'est spécial. Mais ouais, les martyrs de marde, j'aime beaucoup, mais j'avais jamais vraiment l'occasion de vous les diffuser. Et c'est chose faite parce que ils étaient en tout dernier, samedi dernier, au coup de fesse. Et la chanson que vous avez entendue, c'est la première qu'ils ont joué, jouir, entre parenthèses, dans mes bobettes. Les martyrs de marde, déjà c'est agréable de dire leur nom. Mais aussi, ouais, tu te dis qu'avec ouais, avec une musique pareille, ça va être quoi comme spectacle? Fait que c'était un des bands que j'attendais, oui, assez impatiemment. Et il y avait aussi Pop Goes qui ont été aussi les derniers groupes, mais cette fois-ci pour le vendredi. Alors, commençons par le désordre, commençons avec les martyrs de marde. Et j'avoue que le samedi, il me semble que la crowd était moins nombreuse plus la soirée avançait. Souvent, il y a le facteur transport en commun, fait qu'il faut quand même considérer, mettons, minuit 30, c'est normal, il va y avoir moins de monde parce que, faut partir. Mais, ouais, pour une fois, je me sentais vraiment contente. Je suis comme, ouhouhou, je suis dans mon quartier, je vais partir à pied. Mais oui, c'était peu nombreux, mais encore une fois, avec une belle écoute, sauf pour la fille qui a dormi sur le divan toute la soirée. Sérieux, ça me fait rire quand même. Tu sais, au début, je me disais, elle fait une petite sieste à l'entracte. Ah, ben non, elle dort. OK, elle dort solide. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que j'y cache la vue. Je me retourne, puis elle dort encore. Puis après ça, je suis comme, coudonc, elle regarde pas le spectacle, elle regarde pas. Non, le pire, c'est que quand elle a vu ses amis arriver, je pense qu'elle s'est réveillée justement pour les martyrs de marde. Fait que peut-être qu'elle a dormi toute la soirée pour être hyper en forme pour les martyrs de marde. On ne le saura pas, j'ai pas demandé. Et autrement, le chanteur commence à croupir. Et ouais, il y a un scream vraiment aigu en plus. Il commence à ramper entre les gens dans la foule et ça fait aucun effet. Dis pas que ça fait aucun effet. Mon Dieu, comme c'est redondant et plate. Mais non, on dirait que personne n'est comme impressionné quand je vous dis comme, écoute, c'est aussi, l'espèce de douce passivité que peut avoir la foule. Bref, elle a pas été perturbée, elle a pas eu peur, même si ça avait un bon effet théâtral. Oui, lui, il était costumé en prêtre et d'autres dans la crowd de scène, bravo le Ben Jolene. Mais ouais, dans le Ben, comme le claviériste portait un boa, puis les autres avaient certains accessoires, un éclairage aussi ajouté pour les circonstances, tamiser différemment. Belle expérience, et en même temps, leur prestation scénique correspond bien à leur musique. Ça doit être aussi pour ça qu'on n'est pas surpris ni impressionné de « Ah, tu trolles la terre! » Mais le monde se sont un peu déplacés, mais c'est pas fait comme « Ah, Yark, il est en train de m'attaquer! » Non, pas tout. Hey! Et il faut absolument que je te parle de Pop Goes parce que je les avais jamais vus en spectacle et j'ai beaucoup écouté Fantômes Populaires. J'avais vraiment, vraiment hâte de les voir en spectacle. Et pendant que j'attendais, tu sais, sur le divan, parce que j'étais très bien tranquille en train de prendre des notes, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Ben, il m'a arrêté de prendre des notes. Puis il m'a dit « Hey! Serais-tu critique de crowd? » Et c'est parfois les moments, oui, dans l'événement où, pour moi, ça change quelque chose. Parce que là, je me mets à rire, comme si je te donnais un échantillon de mon rire pour te confirmer que je ris pareil qu'à radio que dans la vraie vie. Puis, ça fait aussi une différence dans les amitiés éphémères de foule. Tu sais, maintenant, on est comme, c'est bien drôle, c'est critique de crowd. Comment ça va? Comment va la foule? Puis là, je dis, je réalise que je suis vraiment pas musicienne. Mais on fait des blagues, on s'amuse. Et ça sera le seul groupe qu'il y aura vraiment un trash. Là, au début, c'est un peu trash joke, puis je sais pas rentrer. Là, le monde s'amuse, c'est drôle. Mais sans dire vraiment une pite, là. Je veux dire, j'ai l'impression d'exagérer, puis il y a vraiment eu un mouvement de trash. Mais c'était une bonne combinaison. Trash dance, tu sais, c'est drôle, on s'amuse, mais en même temps, on se donne des coups, c'est vraiment danse-pousse, les deux ensemble, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, même que, justement, ma fameuse connaissance éphémère, il m'a pris pour comme un sac de patates, là, tu sais, comme, je te sers, puis je te pouce bad dans le monde. Fait que j'ai beaucoup ri. Et j'étais encore plus heureuse parce que simplement le fait d'avoir des liens dans le public, ben oui, ça change ton attitude dans la crowd. Et nécessairement, moi, ça fait de la différence aussi parce que de toute façon, j'aurais dansé, je me serais excitée parce que j'avais hâte de les voir. Mais là, ça a ajouté un plus. Et aussi, on le sentait, la petite tension de, je sais pas, Pop Goes, il y avait des possibilités que ça s'énerve pas comme les autres bands. Et quand je dis que ça s'énerve pas comme les autres bands, ça va même avec la conclusion où le chanteur de Crabbe décide de body surfer. Ouais, sympathique, et on n'est pas nombreux, fait que c'est un peu hollywoodien, là, tout le monde le traîne, on le traîne jusqu'à l'espèce de, tu sais, la pole là, où tient les éclairages, fait que décide de s'y agripper comme un petit paresseux. Alors, ouais, pas ben, comme l'animal, là. Fait que... C'était ouais, c'était drôle, c'était très permissif encore une fois. J'ai adoré et il y a rien qu'à lâcher. Moi c'est tu sais je suis pas lourde dans la vie, mais c'est quand même un gars de se dire "Eh boy, si ça lâche, je vais être obligé de payer tout le stock." Mais non, ça s'est bien passé. C'était drôle et c'est pour ça que je trouve que c'est une très très belle conclusion de soirée vendredi dernier avec Pop Goes. Vraiment la programmation, je trouve que les choix, l'ordre était excellent là-dessus. Je vous en parle, fait qu'on va en passer. Pop Goes, c'est ma chanson préférée. Meet Me qui se retrouve sur leur EP. Bon, on peut considérer ça EP même s'il y a pas mal de tunes. Fantôme populaire et potin, je sais, ils vont sortir un album d'ici la fin de 2017. Fait qu'il faut être patient, mais il y a des chansons en français, fait que là je suis comme ah mon dieu, je capote ma vie. Ouais, je c'est toujours drôle de beaucoup écouter ces ISM, parce que tu te tiles pour des affaires, tu te dis, ah wow, pendant ce temps-là, tu connais pas le Ben qui a 23 millions de vues sur YouTube. Mais on s'en fout, parce qu'il y a pas cette proximité-là que tu peux avoir avec les groupes comme j'ai eu ce soir-là. C'était beau, c'était parfait, j'ai adoré. Reprise de Jacques Dutronc, ça aussi, c'était parfait. Ah, c'était le fun. Merci beaucoup, crowd. J'ai eu du plaisir, j'ai eu de la découverte, et ça, c'est bien l'essentiel. Je m'appelle Jolaine Ruet, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Puis, si vous avez des suggestions, Facebook et toutes ces autres affaires-là, c'est bien le fun. Puis, en wait donc, on écoute Pop Goes, puis je vous dis à la semaine prochaine.